Pandnamai, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 9. De la conduite des rois. Quatre défauts contribuent à affaiblir la puissance d'un roi. Le prince qui éclate de rire en présence d'une nombreuse assemblée, altère certainement le respect qui lui est dû. Si un roi fait société avec des hommes d'une condition vile et méprisable, il se rend lui-même l'objet du mépris. S'il se retire souvent en particulier avec des femmes, il avilit sa dignité et perd toute considération. Quiconque est revêtu de la puissance souveraine, doit éviter avec soin toute action injuste et tyrannique. La justice et l'équité sont nécessaires au souverain, pour que sa bonne conduite fasse la joie des mortels. Si le monarque se laisse aller à des penchants injustes, la multitude des chevaux et des troupes ne lui sera d'aucune utilité. Le roi juste et d'un accueil gracieux sera solidement affermi sur son trône. Quand le prince sait honorer et récompenser ses soldats, ils sont prêts à sacrifier 100 fois leur vie pour le défendre. Note. Saadi, dans le Gulistan, a dit, quand le roi est économe de ses trésors à l'égard de ses soldats, il ne porte qu'avec peine la main à leur épée. Comment montrerait-il de la résolution sur le champ de bataille, lorsqu'ils ont la main vide, et que leur seule occupation est de gémir de leur misère? Chapitre 10. Des signes qui présagent la grandeur. Quatre choses sont des signes de la grandeur. Celui qui les réunit en lui-même occupera parmi les hommes un rang distingué. Honorer la science et la récompenser magnifiquement, répondre d'une manière convenable, rechercher la société de ses amis, être toujours attentif à se prémunir contre la mauvaise volonté de ses ennemis. L'homme qui possède la science, l'intelligence et le discernement, honore les sages et les savants. Mon frère, si tu es vraiment sage, tu n'adresseras jamais aux hommes que des paroles douces et honnêtes. Un visage triste et sévère et des paroles amères mettent en fuite tous les amis. Quiconque n'est point en garde contre son ennemi, ressentira tôt ou tard les funestes effets de sa méchanceté. Ne donne point à ton ennemi le moyen de s'approcher de toi, car l'ennemi le plus éloigné est le moins dangereux. Livre-toi à la joie dans la société de ceux qui t'aiment, si tu es sage, éloigne-toi de tes ennemis. Demeure continuellement au milieu de tes amis, mais évite même de voir, s'il t'est possible, le visage de celui qui te hait. Mon fils, que la prudence soit la provision de ton voyage. Après cela ne te mets point en peine des discours des hommes, et laisse-les de côté. Dans les notes de ce chapitre on trouve, on dit en proverbe, les bonnes paroles sont une aumône. Un poète grec a dit, la douceur des mœurs est le signe du bonheur. Confère, Brunch, Poésie gnomique. Chapitre 11. De quatre choses qui sont dangereuses. Quatre choses, mon frère, sont pleines de danger, évite-les avec soin. La faveur des princes, la société des méchants, l'amour du monde, et le commerce des femmes. Approcher des princes est un feu dévorant, vivre dans la société des méchants est la mort de l'âme. Le monde, ainsi qu'un serpent, renferme un venin secret et funeste, quoiqu'à l'extérieur il soit paré des plus brillantes couleurs, son apparence n'offre rien que de flatteur et d'attrayant, mais son poison est dangereux à l'âme. Ce serpent qui brille d'un éclat enchanteur, porte avec lui un venin mortel, l'homme prudent se garde bien d'en approcher. Ne t'arrête pas, comme un enfant imprudent, à la variété des couleurs qui frappent tes regards, ne te laisse pas séduire, comme les femmes, par les charmes d'une couleur brillante ou d'une odeur agréable. Le monde, cette vieille que les années ont privée de ses appas, se part comme une jeune épouse, et cherche tous les jours à s'attacher un nouvel amant. Heureux l'homme qui, après avoir été uni à cette séductrice, lui a tourné le dos et lui a juré un éternel divorce. En présence de son époux, ses lèvres sont parées d'un sourire gracieux, mais la morsure de ses dents cruelles cause une mort inévitable. Note. Le texte porte à la lettre, la répudier trois fois. On sait que les mahométans peuvent répudier leurs femmes et les reprendre, mais celle qui a été répudiée trois fois, ne peut retourner avec son mari qu'après avoir passé dans la couche d'un autre. Autre note de ce chapitre, à propos d'approcher des princes est un feu dévorant. Saadi a dit avec autant d'esprit que de vérité, il en est des emplois au service des rois, comme des voyages maritimes, ils sont lucratifs et pleins de dangers, on y amasse des trésors, ou l'on y périt dans les flots. Vers. Où ce négociant mettra l'or à pleine main dans son sein, où tu le verras un jour jeté mort par les vagues sur le rivage. Gulistan livre 1er. Chapitre 12. Des caractères qui présagent le bonheur. L'homme destiné à jouir de la félicité se connaît à 4 caractères. Celui qui les possède tous ne peut manquer d'être élevé à un rang distingué. Le premier signe d'une bonne fortune est une naissance honnête, l'homme sans naissance est indigne du trône et du diadème. La pureté du cœur est encore un des indices du bonheur, si ton cœur est pur, tu n'as aucun sujet de crainte. Ceux qui sont destinés à la félicité ont un esprit juste et un jugement sain. L'homme qui a l'esprit faux tombera dans les tourments. Quiconque n'a aucune crainte des châtiments du Très-Haut, ne mérite point le nom de croyant, c'est un infidèle rejeté de Dieu. La vie de ce monde n'est qu'une durée de 5 jours. Celui-là est un imprudent qui ne porte point ses réflexions sur l'avenir. Il faut fuir les voluptés du monde, et saisir le pan de la robe des hommes sensés. Note. C'est-à-dire qu'il faut suivre leur exemple, et implorer leur assistance, pour parvenir sous leurs auspices à la possession des grâces du Seigneur. Fin de la note. Ne cherche point les plaisirs qui flattent les appétits sensuels, ne te laisse pas entraîner à l'amour de ce monde qui passe et disparaît. Tu ne retirerais aucune utilité des peines que tu endurerais pour l'amour de ces biens périssables, puisqu'à la fin il te faudra nécessairement mourir, lorsque ton âme se sera séparée de ton corps, tes os mêmes se rempliront de poussière. Tu ne peux te soustraire à la nécessité de rendre ton âme. Tu n'as point d'ennemis qui te tendent sur ta route des pièges plus dangereux que les penchants impérieux de ton cœur corrompu. Attar raconte, relativement à l'amertume de la mort, une anecdote fabuleuse que je transcrirai ici, parce qu'elle a été insérée d'une manière très fautive dans les mines de l'Orient, tome 2, page 479. Jésus avait bu de l'eau douce d'un ruisseau, elle lui avait paru plus agréable au goût que de l'eau de rose. Un homme ayant rempli sa cruche à ce même ruisseau, Jésus en but aussi et passa outre. Sa bouche se remplit d'amertume, il revint sur ses pas plein d'étonnement. « Mon Dieu, disait-il, l'eau du ruisseau et celle de la cruche ne sont qu'une seule et même eau. Daigne m'expliquer ce mystère. Pourquoi l'eau de la cruche est-elle amère, tandis que celle du ruisseau est plus douce que le miel ? » La cruche alors adressa la parole à Jésus. « Je suis, lui dit-elle, un vieillard. Sous cette voûte céleste à 9 étages, j'ai été 1000 fois façonné, et l'on a fait de mes cendres tantôt une amphore, tantôt une cruche, tantôt une aiguière. Quand on me façonnerait encore mille et mille fois, je n'en conserverais pas moins l'amertume de la mort. J'éprouve toujours le sentiment amer de la mort, et voilà pourquoi l'eau que je contiens ne saurait être douce. Chapitre 13. Des causes d'une bonne santé. Si tu désires, mon ami, jouir d'une santé parfaite, quatre choses pourront te la procurer. L'abondance des choses nécessaires à la vie, puis l'exemption de toute crainte, sont des gages certains d'une bonne santé. Si au calme d'une âme que rien ne trouble, tu joins la vigueur du tempérament, tu n'auras plus rien à désirer de tous les biens de cette vie. Abstiens-toi, autant que tu le pourras, de te prêter au désir de ton âme, afin que tu ne tombes point dans les filets de la concupiscence. Écrase et foule aux pieds les penchants de ton cœur, garde-toi d'accorder à ton âme les jouissances qu'elle désire. Satan et la concupiscence cherchent à te détourner du chemin, pour te précipiter dans le fond de l'abîme. Traite rudement ton âme, et tiens-la dans une continuelle et rigoureuse humiliation, éloigne-la, autant que tu le pourras, de tout ce qui est souillé. Quiconque rassasie les appétits d'une âme déréglée, lui donne une nouvelle hardiesse pour commettre le crime. Éloigne tes penchants de toutes sortes de voluptés, si tu ne veux pas tomber dans l'affliction et le péché. Ne te remplis point sans mesure d'aliments et de boissons, ne t'assimile point aux animaux qui habitent les étables. Lors même que tu ne jeûnes point, prends peu de nourriture pendant le jour, et ne mange point jusqu'à la satiété, tu n'es pas, après tout, de la même condition que les brutes. Ô toi qui consacres au sommeil toute la durée de la nuit jusqu'au lever du jour, songe à allumer un flambeau qui t'éclaire dans les ténèbres du tombeau. Manger et dormir est une occupation digne seulement des animaux, celui qui s'abandonne au sommeil n'aura point de part, dans le tombeau, aux grâces du Tout-Puissant. Note. À la lettre, à ses grâces. Les grâces dont parle ici le poète, sont celles qu'il a indiquées d'une manière métaphorique dans ses mots du vers précédent, « Songe à allumer un flambeau qui t'éclaire dans les ténèbres du tombeau, car ce flambeau n'est autre que la miséricorde de Dieu, ou les récompenses qui sont le fruit des bonnes œuvres. » Fin de la note. Mon fils, veux-tu dormir d'un sommeil paisible, dans le sépulcre? Lève-toi, si tu te connais toi-même, lève-toi sans faire de résistance. C'est un crime d'attacher son cœur au bien de ce monde abject, si tu t'éloignes de lui, tu agis avec sagesse. Pourquoi attacher ton cœur à ce monde méprisable, puisque tu n'es pas fait pour l'habiter éternellement? Ô toi qui fais profession de la pauvreté religieuse, ne te pars pas à l'extérieur, afin que ton intérieur soit éclatant de lumière, comme l'astre de la nuit lorsqu'il est dans son plein. Ne recherche point une multitude d'ornements, ne désire point des étoffes de soie ou de riches broderies. Renonce à tes penchants, livre-toi entièrement au service du Seigneur, si tu désires posséder la vie, couvre-toi de vilaillons. Jette sur tes épaules un vêtement de laine, avale la coupe de la privation. Ô homme qui te revêt d'une étoffe grossière, commence par purifier ton cœur de l'orgueil, si tu veux participer au bien de l'éternité, dépouille-toi de ces habits somptueux. Évite ces soins et ces recherches superflues, ne cherche point de vaines parures, renonce à l'oisiveté et fuis la mollesse. Qu'un vêtement magnifique ne te couvre point, ne repose point sur une étoffe molle et précieuse. Couvre-toi, comme il convient à un soufi, d'un vêtement de laine et de bure, ne mets ta gloire qu'à participer aux attributs de la divinité. Une natte grossière doit tenir lieu d'un tapis précieux à celui qui embrasse la vie religieuse, puisqu'il n'aura un jour qu'une tuile pour appuyer sa tête. L'auteur fait allusion à la manière d'enterrer les morts, qui est en usage dans la Perse. On fait la fosse de 6 pieds de long et d'autant de profondeur, et sa largeur n'est guère que de 2 pieds. Après cela, on creuse sur l'un des côtés de la fosse qui regarde la Mecque, un espace capable de tenir un corps étendu, on y roule le corps et on le pose sur le côté, le visage tourné vers la Mecque. Puis on met aux deux côtés de la tête de tuiles, qui empêche que la terre, en tombant, ne couvre le visage. Qu'on fait le voyage de tavernier. Dans le Gulistan de Saadi, le fils d'un homme riche, après avoir décrit avec complaisance la magnificence du tombeau de son père, dit au pauvre à qui il parle, « Qu'a de pareil à cela le tombeau de ton père ? On a réuni 2 briques, et jeté dessus 2 poignées de terre. Tais-toi, lui répond le fils du pauvre, mon père, au jour de la résurrection, sera entré dans le paradis, avant que le tien ait pu se retourner sous le poids de cette tombe qui le couvre. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.